Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. On va reprendre l'étude du 22e hadith, le hadith d'Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Ansari radiallahu anhuma. Après avoir assisté à la conversion d'une personne dans notre mosquée, et c'est un grand bonheur de pouvoir témoigner de cela, car lorsque le musulman atteint un bien, connaît une vérité qu'il a pu mettre en pratique, il espère par la suite appeler autrui à ce même bien. Et sans aucun doute, le meilleur bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala comble ses serviteurs, c'est l'islam wal iman, c'est l'islam et la foi. Et de voir une personne entrer dans l'islam, ça augmente de la foi, ça augmente notre foi, et ça nous ajoute la certitude à notre certitude. Car malgré tout ce qui est entrepris par les gens des différentes branches, que ce soit de la mécréance ou autre, en essayant d'obstruer le chemin qui mène à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit que les gens ne cessent de remplir les mosquées et de rentrer dans l'islam et de rechercher la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les détracteurs sont nombreux, mais le haq mansour, mais la vérité est secourue. Car cette vérité, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui la préserve. Tout comme le Coran est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui le préserve. Et si on se cramponne à cette voie, Allah subhanahu wa ta'ala va nous secourir et nous préserver, tout comme il a préservé sa parole et sa religion. Et on souhaite donc la bienvenue à notre chère sœur Fillah, cette dame qui vient d'entrer dans l'islam, en se rappelant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abdullah ibn Amr ibn al-As, lorsqu'il lui a dit Ama alimta, ou bien plutôt Amr ibn al-As, Ama alimta ya Amr anna l'islam yajubu ma qabla, n'as-tu pas su Amr que l'islam efface tout ce qui est passé avant? Yani la personne qui entre dans l'islam se voit pardonner l'ensemble de ses péchés, et ça c'est un khayr azim. C'est un khayr azim et un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à celui qui embrasse sa religion. Et la sœur a écrit une lettre. En mettant son nom et son prénom, puis son nom qu'elle a choisi de musulmane. Elle est née en 1962. Elle a donc quel âge? Comment? 52 ans, 53 ans. Elle est née à la fin de l'année. Elle dit, Wafaqah Allah, j'ai choisi de devenir musulmane car je crois en Dieu. Et quand j'ai lu le Coran ou j'écoute un imam, je ressens des paroles justes qui touchent mon cœur et je me sens très bien. J'atteste et je crois profondément que Jésus, Al-Masih, n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est un prophète. Et je crois qu'Allah est l'unique et le seul. Il n'a point enfanté et n'a pas été enfanté. Alhamdulillah. Hadi aqidatun salima sahiha. Ceci est une croyance authentique qui est en conformité avec l'islam. D'où sa démarche. C'est-à-dire d'entrer dans l'islam. Fanas'Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitana wa iyyaha ala siratil mustaqim. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم. D'après Abu Abdillah, Jabir ibn Abdillah al-Ansari, Un homme demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que penses-tu si je prie les prières obligatoires? Les prières obligatoires, jeûne le mois du Ramadan, rend le licite licite et l'illicite illicite, sans rien ajouter à cela. Rentrerai-je au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, rapporté par l'imam Muslim. Rendre l'illicite illicite, c'est-à-dire je m'en suis écarté. Rendre le licite licite, c'est-à-dire je l'ai accompli en ayant la conviction que ceci est licite. Donc l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala a cité ce hadith après avoir cité le hadith sur l'istiqama, sur la droiture. C'est comme si à travers ce hadith, il voulait nous citer le minimum que le musulman doit accomplir. Certes, l'istiqama, ça a un sens immense, le fait de mettre en pratique tout ce qui nous est demandé. Mais sache qu'il y a un niveau minimum en dessous duquel tu ne dois pas descendre. C'est ce qui est cité dans ce hadith. C'est ce qui est cité dans ce hadith. L'homme a dit « Ara'aita » bima'ana « akhbirni » ne vois-tu pas, c'est dans le sens « informe-moi ». Ara'aita, dans la langue arabe, ça vient des fois dans le sens de « akhbirni » « informe-moi »« enseigne-moi »« dis-moi » Et ici, Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu dit « Ja'a rajulun » un homme est venu. C'est Moubham, on n'a pas cité le nom de cet homme. Mais dans une riwaya de l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, son nom a été cité. Il s'appelle Al-Nu'man ibn Qawqal. Al-Nu'man ibn Qawqal. Donc c'est le sahabi qui a posé cette question. En disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je prie al-maktubat. Al-maktubat, ay al-salawat al-khams. Al-maktubat, ce qu'on appelle al-maktubat, c'est les cinq prières obligatoires. Al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib et al-isha. Ces cinq prières, c'est ce qu'on appelle al-maktubat. Les prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendues obligatoires de jour comme de nuit. De cette parole, on comprend que, et aussi le sens de kitab, ou bien, na'am, est venu aussi dans le Coran. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc on a cité cette expression aussi dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous dit que la prière a été prescrite dans un temps déterminé. Al-Maktubat, c'est donc As-Salawatul Khams, les cinq prières. On tire de cela que Sunnatul Fajr et que Al-Witr, ces deux prières-là ne sont pas obligatoires. On tire de ce hadith que Sunnatul Fajr et Al-Witr n'entrent pas dans les prières obligatoires. Et il y a une divergence sur Al-Witr, est-ce que c'est wajib ou est-ce que c'est mustahab? Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette divergence a été éclaircie par des hadiths explicites sur cela. Et il y a aussi le hadith de Mu'adh ibn Jabal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoyait faire da'wa au Yémen, il lui dit wa akhbirhum anna Allah aftarada alim khamsa salawatin fil yawmi wal layla. Informe-les qu'Allah Azza wa Jal leur a rendu obligatoire 5 prières de jour comme de nuit. Donc les prières obligatoires sont ces 5 prières. Et à la base, c'était 50 prières, comme c'est venu dans le hadith de l'Mi'raj, la nuit de l'ascension, du voyage nocturne et de l'ascension, lorsqu'Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam 50 prières. Et lorsqu'il est redescendu au niveau de Moussa, Moussa alayhi salam lui a dit qu'est-ce que t'a ordonné ton Seigneur? Il lui a dit 50 prières. Il lui a dit remonte, j'ai été éprouvé avec Banu Israël, par moins que cela ils n'ont pas supporté. Alors demande-lui à ce qu'il t'allège. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de monter et de redescendre à Moussa, et Moussa a réitéré son conseil jusqu'à ce qu'on allégeât cela au nombre de 5. Ces 5 prières accomplies, mais la récompense d'en avoir fait 50. وهذا فضل الله Wallahu dhul fadli al-azim. Aussi, l'homme a dit « Wasum tu Ramadan ». Donc, informez-moi, si je prie les prières obligatoires, c'est-à-dire les cinq, je jeûne le mois de Ramadan, c'est-à-dire le neuvième mois de l'année lunaire, le mois qu'Allah Azza wa Jal a ordonné, dont Allah Azza wa Jal a ordonné le jeûne. « Ya alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alladhina min qabrikum la'allakum tattaqoun. » Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit, enjoint, ordonné le jeûne, tout comme on l'a ordonné aux générations avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Le troisième point, ahlal wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram. Le fait de rendre quelque chose halal et quelque chose haram, laysa ilayna. Ça ne fait pas partie de nos propriétés. Mais c'est une propriété particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tashri', le fait de légiférer, le fait de décider du caractère licite d'une chose ou du caractère illicite, cela est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui vient et qui rend haram ce qu'Allah a rendu licite, et qui rend licite ce qu'Allah a rendu muharram, ben il s'est rendu l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. Il s'est rendu l'égal d'Allah tabaraka wa ta'ala. Son niveau à lui était d'être un abdun lillah, un esclave d'Allah, soumis à Allah. Il doit prendre la législation d'Allah et la mettre en pratique. Ce qu'il trouve de halal, il doit avoir comme croyance que c'est halal. S'il ne veut pas faire la chose, il ne la fait pas. Mais il doit avoir comme croyance que c'est son caractère et le licite. Et s'il voit une chose qu'Allah a rendue interdite, il doit considérer que cette chose est muharrama. Il doit avoir comme conviction que cette chose est muharrama. Et en plus de cela, il a l'obligation de s'en éloigner. Il a l'obligation, na'am, de s'en éloigner. Allah subhanahu wa ta'ala a donc cette caractéristique qui lui est propre. Quel est donc le rôle du serviteur ici? Que signifie ici ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram? Comme a dit l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ahlaltu al-halal, j'ai rendu licite le licite, c'est-à-dire avoir comme conviction que telle chose est licite. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous enseigne cela. Ensuite, haramtu al-haram, j'ai rendu interdit l'illicite, c'est-à-dire j'ai comme conviction que cette chose-là est muharrama, interdite. Et je m'en éloigne. Al-ahkam at-taklifiyya khamsa. Les jugements sont nombre de cinq. Il y a al-wajib, al-mandoub, al-mubah, al-muharram, wal-makruh. Ces cinq choses sont ce qu'on appelle al-ahkam al-taklifiyya. Premièrement, al-wajib, ce qui est obligatoire. Wa ma amara Allah, wa ma amara bihi shari' ou ma taraba bihi al-shari' amran jaziman. C'est tout ce qu'Allah a, tout ce que le législateur nous a ordonné. Là, ala sabil al-takhyir, sans nous laisser le choix, sans nous donner le choix. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Non, c'est un ordre. Et découle de cela que si tu le fais, en voulant te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ben il te donnera des récompenses. Deuxièmement, al-mandoub. Al-mandoub, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné, mais en te laissant le choix. Donc si tu le fais, tu auras des récompenses. Si tu ne le fais pas, tu ne mériteras pas de sanctions. Ensuite, al-mubah, c'est ce qui est permis. C'est ce qui est permis. Comme boire de l'eau. Ensuite, il y a al-muharram, ce qui est interdit. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu interdit. Et si le serviteur le fait, il mérite un châtiment. Ensuite, al-makruh, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal ou ce que les législateurs a interdit. Mais si tu le fais, si tu le délaisses, tu as une récompense, et si tu le fais, tu ne mérites pas un péché. Ça c'est makruh, c'est détestable. C'est détestable. Et il convient au serviteur de ne pas se contenter de faire le minimum. Pourquoi cela? Car tu as été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Ta vie, elle doit te servir à réaliser ce pourquoi tu as été créé. Et l'homme ici a donc questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses actions. la prière obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan, rendre licite le licite, illicite l'illicite, à être le Jannah. Si je fais ces quatre points-là, est-ce que je rentre fil Jannah? Voici la question du sahab. Walem azid ala zalika shay'a. Et il précise, il dit, et si je n'ajoute rien à cela, je me contente du minimum obligatoire, est-ce que je rentre au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oui, tu rentres au paradis. Celui qui fait ça, il a le niveau de ce qu'on appelle muqtasid. Car Allah azza wa jalla a divisé les gens du paradis en trois catégories. As-sabiqu bil khayrat, celui qui va de l'avant, celui qui a accompli les choses obligatoires, puis a complété par les actions surrogatoires, a délaissé les choses interdites et a délaissé les choses détestables. Le deuxième niveau, al-muqtasid, c'est le niveau qui est cité dans le hadith. C'est de faire ce qui était ordonné et de délaisser ce qui était interdit. Le troisième niveau, al-zalimu li nafsi, celui qui a été injuste envers lui-même. C'est celui qui a délaissé certaines obligations et a commis certains péchés. Il a délaissé certaines obligations et a commis certains péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala les cite dans le Coran et nous dit que eux tous font partie de Ahl al-Istifa. C'est-à-dire ce qu'Allah azza wa jalla a choisi pour faire entrer au paradis. Si ce n'est que les premiers auront les plus hauts degrés du paradis, les deuxièmes en dessous d'eux et les troisièmes en dessous d'eux. Tous font partie des gens de l'islam et certains sont à des niveaux plus hauts. Et dans chacune de ces adorations, Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré pour celui qui veut se rapprocher davantage de son Seigneur des actions surérogatoires. Si on prend les prières obligatoires, il y en a cinq. Mais avant Al-Fajr ou Al-Subh, Al-Fajr et Subh, c'est la même prière. Al-Fajr et Subh, c'est la même prière. Si tu veux dire la prière que tu fais avant, la prière obligatoire, tu dis Sunnatul Fajr ou bien Sunnatul Subh. Et dans certains textes, des fois on dit directement Al-Fajr pour dire Sunnatul Fajr. Ça, c'est une des prières qui, donc ce qu'on appelle Al-Rawatib. Et les prières surrogatoires qui ont été rattachées avant ou après les prières obligatoires. Il y en a 12, comme c'est venu dans certains hadiths, 10 dans d'autres hadiths. Deux unités de prière avant le Fajr. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Raka'atay al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Ces deux unités de prière que tu fais avant Salat al-Fajr sont mieux que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. Subhanallah. Si ça c'est la prière surrogatoire, que penser de la prière obligatoire? Ensuite, 4 unités de prière avant le Zahr. Ensuite, 2 unités après le Zahr. Puis, 2 unités après Al-Maghrib et Al-Isha. Ça fait combien? T'en fais 2 Qabla Al-Fajr. T'en fais 4 Qabla Al-Zahr. 2 Ba'da Al-Zahr. T'en fais 2 après le Maghrib. Et t'en fais 2 après Al-Isha. Ou bien, t'enlèves les 2 après le Maghrib et tu laisses les 2 après les Isha, selon les ahadith. Ça, c'est ce qu'on appelle le rawat. Ensuite, il y a le nawafil al-mutlaqa. Il y a le nawafil al-mutlaqa, les nawafil que tu peux faire quand tu veux, sauf à une heure qui est interdite. Comme après le fajr, ou bien après, na'am, après le fajr, jusqu'au lever du soleil. Jusqu'au lever du soleil. C'est pas lorsque le soleil sort. Non. Quand le soleil sort, c'est interdit. L'interdiction, elle est encore plus grande. Il faut attendre que le soleil se lève. Environ 10 minutes après Shuruq, environ 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Quand le soleil est bien levé, à ce moment tu pries. À ce moment tu pries, il a une grande récompense. Il y a salawat, il y a ad-duha. Il y a ad-duha après le lever du soleil, jusqu'avant le zénith. Et tu peux en faire 2, tu peux en faire 4, tu peux en faire 6, tu peux en faire 8. Et certains savants disent, il n'y a pas de chiffre précis. Il n'y a pas de chiffre précis. Ensuite, après Zahr, tu as le droit de prier. Par contre, après l'Asr, tu n'as pas le droit de prier. Si ce n'est une prière obligatoire, bien sûr. Tu n'as pas le droit de prier une prière, une nafila mutlaq, qui n'est pas rattachée à une cause. Maintenant, si tu entres à la mosquée, ou si tu as fait tes ablutions. Et ce genre de choses, on a vu des textes ordonnant ou bien recommandant de prier. Certains savants disent que tu peux faire ces prières-là. C'est ce qu'on appelle zawatul asbab. Ce sont les prières qui ont des causes. Ça ne rentre pas dans le nawafil al-mutlaqa. Un nawafil al-mutlaqa, tu n'as pas le droit de les prier aux heures d'interdiction. Ensuite, une des prières, c'est même la prière la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal après al-maktubat, après les cinq prières obligatoires, al-witr. Al-witr wa qiyamul layl. Donc là, al-witr et qiyamul layl, le fait de prier dans la nuit. Et le fait de prier dans la nuit, c'est l'adoration qu'Allah Azza wa Jal a accordée à une partie de ses serviteurs. Et c'est un honneur que de se tenir devant Allah Azza wa Jal dans les ténèbres de la nuit. Et ça montre ikhlas ou shars, ça montre la sincérité de la personne. Car elle se lève à un moment où elle n'est vue de personne. Certains parmi les salafs ont prié des vingtaines d'années sans que leurs épouses ne soient au courant, subhanallah. Ils se levaient en plein milieu de la nuit, sortaient du lit et se levaient pour prier. Ensuite, ils revenaient dormir comme si de rien n'était, sans que l'épouse ne s'en rende compte de cela, une vingtaine d'années, pendant une vingtaine d'années. Ça nous montre quoi? Al-ikhlas, wa sidq ash-shars. Lorsque tu te lèves pour prier la nuit, tu as un moment, si tu es au dernier tiers de la nuit, un moment où Allah Azza wa Jalla descend au ciel de ce bas monde. Et il t'appelle alors que c'est le Ghani ou le Hamid. Il est riche et se passe largement des mondes, mais il t'appelle par rahma pour toi parce qu'il veut ton bien et veut te donner le bien. Mais il a rattaché ce bien à des causes. Et il te dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'invoque afin que je l'exauce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se repent afin que j'accepte son repentir? Cela, au dernier tiers de la nuit, chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala yanzil wa nuzul min sifatillah al-fi'liyya wa nisbituha kama thabata anil nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on affirme cet attribut à Allah azza wa jal comme l'ensemble de ses attributs et de ses noms, min ghayri tamthilin wala ta'til. Ensuite, le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan. Et sachant que la prière avant cela, sachant que la prière est la première chose qui sera jugée yawm al-qiyamah parmi les actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si elle est bonne, tout le reste des actions le sera. Mais une partie de la communauté arrivera avec des prières où il y aura des manquements. Alors Allah Azza wa Jal va dire aux anges, regardez dans ses actions, est-ce qu'il a des prières surrogatoires afin de combler ce manque? Regardez l'importance des nawafil. Si on trouve des nawafil, on va les prendre pour combler les manquements qu'il avait eu dans ses prières obligatoires. Et à ce moment-là, son jugement sera bon. Mais s'il n'a pas de nawafil, comment est-ce qu'il va faire? Le reste de son jugement sera bien plus difficile. Ensuite, as-siyam, il y a le jeûne. Ce qui est obligatoire, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Ce qui est obligatoire, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Avant cela, j'oubliais, qu'en est-il de Salat al-Eid, Salat al-Kusuf, et ainsi de suite. Vu que dans ce hadith, on n'a cité que les cinq salats. Certains parmi les savants disent ce qui est obligatoire, fard aïn, pour tout un chacun, c'est ces cinq prières-là. Ensuite, s'il y a une obligation, ça sera une obligation collective, comme Salat al-Eid. Et certains voient que ça n'est pas une obligation, mais que c'est une sunna mu'akkada. C'est une sunna qui est très recommandée, qu'il ne convient pas de délaisser. Wallahu a'lam. En ce qui concerne le siyam, le jeûne est obligatoire, c'est un mois lunaire, donc 29 jours ou 30 jours, le 9e mois de l'année, Shahr Ramadan. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Est-ce qu'il y a des nawafil? Na'am. Il y a des actions surrogatoires concernant le jeûne. Comme le jeûne qui suit le mois de Ramadan. Le mois qui suit le mois de Ramadan, c'est Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, ensuite le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, aura la récompense d'avoir jeûné un jeûne continu, yani toute sa vie. Toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, lorsque tu fais une action, il te la multiplie par 10 au minimum. Donc c'est comme si tu avais jeûné toute l'année. Parmi les actions surrogatoires, ou bien les jeûnes surrogatoires, il y a le fait de jeûner 3 jours chaque mois. Il y a le fait de jeûner 3 jours par mois. Et les meilleurs jours à jeûner, comme cela est venu dans le hadith, c'est Ayamul Bidh, les jours de pleine lune, c'est-à-dire le 13, le 14 et le 15. D'accord, celui qui n'a pas voulu ou qui n'a pas pu jeûner ces 3 jours, est-ce qu'il peut jeûner n'importe quel jour dans le mois? Oui, il peut jeûner n'importe quel jour dans le mois. Donc s'il veut jeûner tel jour ou tel jour ou tel jour, de sorte à faire 3 jours dans le mois, ben il aura également la récompense, si ce n'est qu'elle sera moins élevée que celui qui aura jeûné le 13, le 14 et le 15e jour. Parmi les jeûnes surrogatoires, il y a le jeûne du lundi et du jeudi, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne le lundi, il a justifié cela en disant, c'est le jour où je suis né. Regardez ceux qui fêtent l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, non, fêtez l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam par amour pour lui. Hein? Le vrai amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittiba'u sunnati, tatbi'u shar'i, c'est de mettre en pratique sa sunna. Où ils sont le lundi, ces gens-là? Hein? Ils fêtent son anniversaire une fois par an, mais ils sont où le lundi? Est-ce qu'ils jeûnent? Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme cela qu'il a manifesté sa reconnaissance envers Allah azza wa jalla. Lorsqu'on lui a dit, pourquoi est-ce que tu jeûnes le lundi? Il a dit, c'est le jour où je suis né. Comme cela, tu montres ta reconnaissance envers Allah azza wa jalla. Jeûne tous les lundis. Tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûne tous les lundis. Et on dira, na'am, tu es véridique. Et délaisse les bid'a wal muhdathat, les innovations et les nouveautés dans la religion d'Allah Azza wa Jal. On arrive à un niveau d'ignorance tel, hein, que certaines personnes travaillant sont venues me voir et m'ont posé une question des plus étonnantes. Ils m'ont dit, mon patron m'a donné un jour de congé parce que c'est la naissance du prophète Azza wa Jal. Comme si c'est l'Aïd. Yani, ajib. Ajib. Ça veut dire que même les koufas, hein? Ils ont comme croyance que, yani après avoir vu les certains musulmans s'égarer, ben ils ont eu comme croyance que cette date-là, c'est un Eid. Cette date-là, c'est un Eid. Et peut-être que cette personne, tu ne la vois pas Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Peut-être même le Jum'ah. Et pour le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font des repas. Tayyib. Ils font une fête et ils achètent telle chose. Certains tombent encore plus dans le haram en mettant de la musique avec de la mixité. Certains dansent et certains soufis rajoutent bien plus que cela. Certains invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam fayaqa'u fi shirk al-akbar wal'iyadu billah fayakhruju min ad-din. Ce jour-ci, certaines personnes font du shirk akbar. Ils invoquent directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et font des poèmes et prononcent des paroles qui sont exactement le contraire de son message. Et l'un d'entre eux dit, et parmi sa science, ce qu'il y a dans les tablettes préservées. Est-ce que vous comprenez cette parole? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît tout ce qu'il y a sur ce bas monde, dans les cieux, et même ce qu'il y a dans le livre. Yani le destin, tout ce qui se passera. Certains savants ont dit, qu'est-ce qu'il a laissé à Allah? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît tout ça, il reste quoi pour Allah? Yani, subhanallah, ja'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam niddan lillah idhan. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné toute sa vie pour le contraire. Fa ayna huwa min hubb an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Où sont ces gens de l'amour devant l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils n'ont rien à voir avec l'amour qu'Allah Azza wa Jal nous a légiféré. Ils n'ont rien à voir avec le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes ont dit, l'imam il dit beaucoup le mot bid'a. Hein? L'imam il dit beaucoup le mot bid'a. Pourquoi l'imam il dit beaucoup le mot bid'a? Parce que l'imam il aime les musulmans. Parce que l'imam, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il déteste lorsqu'on contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute la mosquée doit être comme ça. Toute la mosquée doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et doit aimer que sa sunna se propage. Et doit détester tout ce qui obstrue le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien l'enseignement aux gens de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette voie était la voie des compagnons. Fala gharaba la tastagharib min dhalik. Il n'y a pas à s'étonner de cela. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a entendu un homme qui parlait sur le Coran avec des paroles étranges. Il l'a cherché. Quand il l'a trouvé, il a pris une barre et il l'a frappé. Jusqu'à ce que l'homme s'est évanoui. Ensuite, il l'a repris, il l'a refrappé. Jusqu'à ce que l'homme s'est évanoui. À la troisième fois, il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, si tu veux me tuer, tue-moi d'une belle manière. Si tu veux me faire sortir ce qu'il y a dans ma tête, tout est sorti. Khalas. Omar ibn al-Khattab l'a envoyé, Fisham ou dans un endroit. Et il a écrit une lettre et a dit, tout le monde s'éloigne de lui et personne ne lui parle. Et c'est resté comme ça pendant un long moment, jusqu'à ce que certains parmi les sahabas ont intercédé pour lui et ont dit, c'est bon, il est revenu à la droiture et il a délaissé les choses équivoques. Qu'est-ce qu'on va dire de Omar ibn al-Khattab? Qu'est-ce qu'on va dire de Omar ibn al-Khattab? Alors que nous, lorsqu'on a dit, alors que moi, lorsque j'ai dit qu'il ne faut pas faire un cours avant le Jum'a, les gens se sont énervés et les gens haussaient la voix et ainsi de suite. Paraît-il, lorsque je suis sorti de la mosquée, on m'a dit que certains se sont énervés et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, qu'Allah nous pardonne et leur pardonne, c'est par ignorance. Car s'ils avaient su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait cela, et qu'Abu Bakr n'a jamais fait cela, et que Omar n'a jamais fait cela, et Uthman n'a jamais fait cela, et Ali, on continue ou ça suffit? Khulafa al-Rashidun n'ont jamais fait cela. Ben ils auraient dit, s'ils ne l'ont pas fait, pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est subhanallah. Une chose que Abu Bakr n'a pas faite, Omar n'a pas faite, Uthman n'a pas faite, Ali n'a pas faite. Toi tu vas la faire maintenant? Soit tu es mieux que eux et tu as trouvé quelque chose qu'ils ont oublié, hein? Soit tu es en train de t'égarer. Est-ce qu'on peut dire la première? Non. On peut dire la deuxième? Non, on doit la dire. Hein? Il y en a qui vont s'énerver, mais qadallahu ma sha'a fa'al, il faut qu'il révise le hadith, la tarbab. Ne t'énerve pas. Tamam. Le jeûne du mois de Ramadan et le fait de faire suivre des jeûnes surérogatoires, ça va t'amener d'énormes bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le jeûne dans ce bas monde te préserve des turpitudes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a conseillé aux jeunes de se marier, il a ensuite cité un remède pour ceux qui n'arrivent pas à se marier. Pour une cause ou une autre, il a dit فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِدْيَا. Celui qui n'arrive pas, qu'il jeûne, cela sera pour lui une protection. Cela a été expliqué par les savants. Par les savants, parmi l'allamatul fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit que Ash-Shaytan court dans les veines du fils d'Adam. Et lorsque tu jeûnes, ce flux se réduit. Donc Ash-Shaytan n'arrive pas à te pousser vers le mal comme il pouvait le faire le jour où tu ne jeûnais pas. Alors c'est un bien pour te préserver contre Ash-Shaytan. Dans l'au-delà, le jeûneur va se réjouir. Dans ce bas monde, il se réjouissait à quel moment? Au Maghrib. Au Maghrib, lorsqu'il y avait l'adhan pour manger. D'accord? Et ce qui lui était interdit lui redevenait halal. Mais dans l'au-delà, il se réjouira de quoi? D'avoir jeûné. Pourquoi? Parce qu'il va voir la récompense qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée. Une récompense sans compter parce que c'est minas sabirin. Car il est minas sabirin. Et Allah dit concernant les endurants, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. On va récompenser les patients d'une récompense sans compter. Aussi le jeune va venir intercéder pour toi en disant, Ya Allah, je l'ai empêché de s'approcher de la nourriture et de la boisson et de ses plaisirs, permets-moi d'intercéder pour lui. Donc le jeûne surrogatoire a une grande importance. Ensuite, on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité al-zakat et al-hajj. Sah, il n'a pas cité la zakat et le hajj, pourtant ça fait partie des cinq piliers de l'islam. Les savants ont répondu à ce ishkel en disant, Al-Hajj n'a pas été cité, probablement car il n'avait pas encore été légiféré, car il a été légiféré tardivement. Ça c'est la réponse pour le Hajj. La réponse pour Al-Zakah, probablement que cet homme était pauvre et ne rentrait donc pas dans ceux qui avaient l'obligation de sortir Al-Zakah. D'autres ont cité notre réponse et ont dit que Al-Hajj et Zaka entre dans la dernière partie du hadith, ahlal tul halal wa haram tul haram. Vu qu'on a dit que ahlal tul halal, c'est croire en son caractère licite, et haram tul haram, c'est délaisser le péché en ayant comme croyance que c'est interdit, ils ont donc dit que peut-être que ça rentre dans cela. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette personne avec sagesse. Et les nawafil sont dans il y a aussi nawafil pour al-zakah, al-sadaqat, et il y a nawafil dans beaucoup d'adorations. Donc on voit de ce hadith que celui qui réunit cela, il rentrera au paradis. Ça c'est un hadith. D'accord. Celui qui désobéit à ses parents et qui commet tel et tel péché, ou bien qui délaisse des obligations qui n'ont pas été citées dans ce hadith, est-ce qu'il rentre dans le hadith ou pas? Les savants ont dit que quand tu étudies un jugement religieux, tu ne vas pas prendre un seul hadith, mais tu réunis l'ensemble de hadiths et ensuite tu prends le jugement. Donc tout ce qui a été ajouté dans les autres hadiths, on les ajoute ici. Celui qui a des grands péchés par exemple, il doit se repentir. Celui qui a des grands péchés, il doit se repentir. Sachant que le grand péché n'entre pas dans le hadith. Pourquoi? Haram tout le haram. Haram tout le haram, ça veut dire que tu t'éloignes des péchés en ayant comme conviction que cela est interdit. Il y a un problème qui se pose ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, tu entres au paradis. Mais dans l'autre hadith, lorsqu'il a dit aux compagnons, la yadkhul al-janna ahadun bi'amali. Qal wala anta ya rasulallah? Qal la wala ana illa yataghammadhani Allah bi rahmatihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, personne n'entrera au paradis par ses actions. Ils lui ont dit, même pas toi au messager d'Allah. Pourquoi même pas toi? Car tu es la créature la plus pieuse qui agit le plus. Il se levait la nuit, jeûnait le jour, était au service de sa famille, s'occupait de ses compagnons. Personne n'a pu agir comme lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a répondu, malgré ça, même pas moi. Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Comment unir entre ce hadith et celui-ci? Et comment unir aussi avec le verset d'Ul Jannah, bima kuntum ta'amalun, entrer au paradis selon ce que vous faisiez. Donc dans le hadith, on voit d'un côté qu'on rentre au paradis par nos actions, et d'un autre côté qu'on ne rentre pas au paradis par nos actions. Comment unir entre ces deux hadiths et le verset? Ibn Kathir, rahimallahu ta'ala, dans son tafsir et d'autres parmi les savants, ont uni entre les deux en disant, c'est-à-dire entre les versets citants qu'on rentre au paradis par nos actions et les textes citants qu'on n'entre pas par nos actions mais par la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, en disant que le bas bima kuntum ta'amalun ou bi'amali, le bas, la lettre ba, n'a pas qu'un seul sens. Lorsqu'on dit qu'on rentre au paradis par nos actions en utilisant le ba, c'est ba as-sababiyya. Yani c'est le ba qui nous cite que c'est une cause. Donc nos actions sont une cause pour avoir la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, et par la miséricorde d'Allah le serviteur entre au paradis. Est-ce que c'est clair? Tes actions ne sont pas la chose qui te font entrer directement au paradis. Mais en agissant selon ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala, ben il te fera miséricorde. Et s'il te fait miséricorde, il te fera entrer au paradis. Tu entres donc au paradis avec quoi en vrai? Avec la miséricorde d'Allah azza wa ta'ala. Et le bas dans les versets ou dans le texte qui nous cite qu'on n'entrera pas au paradis par nos actions, c'est bas ou l'iwab. C'est le bas, comment dire ça en français, il y a un idée d'échange. En gros, tu me donnes ça, je te donne ça. Est-ce que tes actions, avec tes actions, tu peux acheter le paradis? Non. Avec tes actions, tu ne peux pas acheter le paradis. Si on compte, on va prendre tes actions juste pour essayer de rembourser ce qu'on t'a donné dans ce bas monde. La vue, lui, la santé. Une seule chose, tu ne peux pas. Que dire du paradis qui est vaste comme les cieux et la terre? Un paradis dans lequel il y a des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues. Et plus que cela, ça n'est même pas venu à la pensée d'un homme. Subhanallah. Ça, c'est une partie du paradis qui est rase. C'est pas tout le paradis, c'est une partie qui est rase. Il y a une partie qu'on a vue et une partie qu'on n'a pas vue. Et cette partie que je viens de citer, c'est une partie que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vue. Donc, ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram, hadha min khasa'isillah. Wa wajibu al-abd al-i'tiqad. Li'an al-iman. أو لأن الدين إما من طريق الأخبار فنصدقها إما من طريق الأمر فنعمل بها أو به أو من طريق النهي فنجتنبه. Parce que dans la religion il y a trois grandes bases. Soit c'est des informations, on doit les reconnaître, les certifier et les naam et y croire. Soit ce sont des ordres, on doit les mettre en pratique. Soit ce sont des interdictions, on doit s'en éloigner. Ici, c'est Allah Azza wa Jalla qui décide de ce qui est halal et haram. Et toi, ton rôle, ça n'est que d'avoir la croyance de cela et de t'éloigner du haram. Allah dit dans le Coran, « Inil hukmu illa lillah. » Le jugement n'appartient que à Allah. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins en seigneur en dehors d'Allah. Ou al-Masih ibn Maryam et Isa ibn Maryam. Parmi les sahaba, certains ont dit ô messager d'Allah, mais on ne les a pas pris en tant que seigneur. On ne les a pas adorés en dehors d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'il ne vous rendait pas licite le haram et vous le rendiez licite? Ils ont dit certes. Et est-ce qu'il ne vous rendait pas mon haram ce qui était licite? C'est-à-dire Allah dit, nous rendait telle chose licite, vous vos savants disaient que c'est illicite et vous veniez avec cette croyance et vous suiviez vos saints. Ils ont dit certes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite, fatilka ibadatukum iyyahum. Voici la manière dont vous les avez adorés. Donc le fait de suivre dans tashri' autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou ce qui nous est venu dans les textes, ben c'est le fait de rendre l'égal d'Allah azza wa jal une autre créature. Une autre créature. Donc si, lorsque tu connais le jugement d'une chose religieusement, tu n'as pas le droit de la délaisser pour qui que ce soit. Tu n'as pas le droit de la délaisser pour qui que ce soit. Et il ne faut pas mélanger cette question avec le fait, avec la question de celui qui juge avec les autres lois d'Allah et autres, comme certaines personnes parmi les gens égarés essayent d'utiliser ce genre de texte pour rendre mécréants les musulmans et les gouverneurs et autres. Là, il y a des droits, il y a des règles religieuses, et pour cela à ton niveau tu dois revenir aux gens de science et aux savants. Hadil ahkam at-takfir wa at-tabdi' wa at-tafsir. Ce n'est pas n'importe qui parle dans cela. C'est des gens de science. Et une chose grave, parmi les choses graves, le fait de rendre haram ce qu'Allah a permis à ses serviteurs. Le fait de rendre haram et de compliquer les choses, or qu'Allah Azza wa Jalla a laissé la porte ouverte, or qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a permis cette chose. Où sais-tu sur cette chose? Certaines personnes interdisent par exemple certaines boissons qui ne rentrent pas dans les boissons illicites. Ça c'est du tanattu', c'est du relou, c'est de l'exagération. C'est de l'exagération et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'exagération et a annoncé la perte pour ces gens-là en disant « Halakal mutanatti'un, qala thalatha ». Allah nous dit dans le Coran « Qul man harrama zinatallahi allati akharajaha li'ibadi wa tayyibati min ar-rizq ». Allah subhanahu wa ta'ala dit qui? Dit, qui est-ce qui a interdit les parures qu'Allah a fait sortir pour ses serviteurs et les bonnes choses parmi la subsistance? Allah Azza wa Jalla a rendu halal. C'est un bienfait pour ses serviteurs. Laisse les serviteurs d'Allah Azza wa Jalla profiter de ces bienfaits. Et ne t'aimez pas devant les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une dernière remarque. Celui qui n'accomplit pas le muharram, les choses interdites, mais parce qu'il n'a pas eu la capacité de le faire, ou parce qu'il n'a pas eu l'envie, est-ce qu'il est récompensé ou pas? Non, il n'est pas récompensé. Celui qui a des hasanats pour avoir délaissé le haram, c'est celui qui a fait jihad al-nafs, c'est celui qui a mis l'intention. Par contre, celui qui fait les causes pour essayer de faire le haram, par exemple, quelqu'un veut voler, il veut voler, il vient, il se cache, il essaye, mais la personne n'est pas sortie de chez lui, il n'a pas réussi à pénétrer dans sa maison et le voler. Est-ce qu'il est récompensé? Il dit, ah moi, j'ai pas fait le haram. Alors je suis récompensé là. Lui, il a le péché comme s'il l'avait fait. Il a le péché comme s'il avait commis le péché. Pourquoi? Parce qu'il a mis tout en œuvre pour réussir son péché. Par contre, celui qui n'a pas eu l'envie de commettre le péché, n'a donc pas péché, lui, ni il a de hasanat, ni il a de péché. Ni il a de hasanat, ni il a de péché. Donc de ce hadith, il y a plusieurs fawa'id. Premièrement, hirsu sahaba ala ma'rifati al-a'mal al-musabbaba ou al-musabbiba li dukhul al-jannah. De ce hadith, on tire quoi? La motivation des compagnons quant à la pour apprendre leur religion et connaître particulièrement les actions qui font entrer au paradis. Et pour connaître particulièrement les actions qui font entrer au paradis. De ce hadith, on tire également Al-A'mal min asbab dukhul al-jannah. On tire de ce hadith que les actions, les bonnes actions et l'obéissance à Allah Azza wa Jalla et le délaissement des péchés sont les causes pour entrer au paradis. Sont les causes pour entrer au paradis. Donc ne dis pas, de toute façon Allah a décrété, moi je ne fais rien, et si Allah écrit que je vais rentrer au paradis, je rentrerai au paradis, s'il écrit que je rentre en enfer, je rentrerai en enfer. Non. Tu n'es pas un jabri ni un qadari, un tasunni. Tu agis, tu as le libre arbitre. Allah Azza wa Jalla t'a donné la raison, il t'a donné les membres, il t'a donné une force, il t'a donné l'irada, la volonté. Donc agis et fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, agissez et chacun sera facilité pour en conformité avec ce qui a été décrété. De ce hadith on tire ahamiyatu salawat al-khams. On voit l'importance des cinq prières quotidiennes obligatoires. On voit aussi l'importance du jeûne du mois de Ramadan. Et on voit l'obligation de s'éloigner de ce qui cause la perte de l'homme, comme les péchés, avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa harramtul haram. On voit aussi que tu n'as pas le droit d'obliger quelqu'un à faire des actions surrogatoires. Mais tu l'encourages. Tu l'encourages. Il ne faut pas obliger la personne à faire des actions qui sont surrogatoires, car peut-être qu'en faisant cela, tu vas lui faire détester les bonnes actions. Et tu vas lui mettre une charge qui est trop lourde pour lui. Mais cite-lui le bienfait et les mérites de ses actions et tu verras qu'il se dirigera tout naturellement par la suite vers cela si Allah Azza wa Jal le guide. Et n'entre pas dans cela celui qui éduque ses enfants ou ceux qui sont sous sa main, par exemple à apprendre le Coran et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas éduquer les enfants, non. Ce que j'entends par cela, c'est que tu es assis dans le masjid, tu vois une personne qui lit le Coran après l'azan du dhuhr. Ou bien tu vois quelqu'un qui parle pendant l'adhan. On sait que la sunna c'est d'écouter l'adhan, de répéter ce que le muezzin dit. D'accord? Ou bien sauf hayya 'ala salah hayya 'ala al-falah, de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite à la fin de l'adhan, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite de demander à Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-wasiya. D'accord? Si tu vois quelqu'un en train de parler, est-ce que tu as le droit de lui interdire la parole pour faire une action surrogatoire? Là, ça c'est un manque de hikmah. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui enseignes la sunna et tu lui montres les mérites qu'il y a à écouter l'adhan, hein, et à répéter et ainsi de suite. Si tu vois quelqu'un assis ensuite et toi tu as fait 2 raka'a ou bien 4 après adhan al-zahar, est-ce qu'il te convient à toi maintenant de lui dire pose le Coran, ça c'est un temps où il faut prier et tu le forces à prier? Non, c'est une sunna et la sunna elle a la plus grande place dans nos cœurs, certes, mais ça reste une sunna surérogatoire. On n'a pas le droit de charger une âme au-dessus de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a mis. Mais ça c'est la hikmah dans la da'wah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait aimer les bonnes actions à ses compagnons. Et cela dans chaque porte d'adoration, que ce soit zakat, que ce soit sadaqat, que ce soit Mada, Assoum et Tatawa, et ainsi de suite. Taïb et Joab oubliés comme Assoum et Tatawa, Ash, Ashura et Arafa. Taïb, c'est parmi les jeunes où il y a le plus de récompenses. Pour l'un d'entre eux, on pardonne l'année passée. Pour l'autre, pardon, l'année passée, l'année suivante. Voici pour ce hadith. Inch'Allah ta'ala, la semaine suivante, on étudiera le 23e hadith et le 24e hadith. Inch'Allah ta'ala. Le temps est fini. D'accord. Une demi-minute, c'est beaucoup. Alhamdulillah. Un hadith qui ressemble à celui-ci. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a questionné sur les obligations. Et il lui a dit, si je fais que cela sans ajouter, est-ce que je peux? Il lui a dit oui. Lorsqu'il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut voir une personne du paradis, qu'il regarde cet homme qui part. Donc celui qui préserve les obligations et délaisse les interdits, il fait partie des gens du paradis, inshallah. Wa nas'allahu tabaraka wa ta'ala ja'alana min ahli al-jannah wa yahfazana min ad-dukhuli fi an-nar innahu wali dhalik wal qadir alayhi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.